Bonsoir et bienvenue au Cirque Aquatique Magique. Ce soir, je me suis intéressé à la grève étudiante parce qu'on commence à revenir un peu à évoquer un peu nostalgiquement cette période. Et puis, en même temps, il y a le sommet de l'éducation qui s'en vient. Alors, il y a un camarade, le Mouton Marron, qui a un blog sur Internet qui s'est mis à sortir toute la série de musique qui s'est faite pour le printemps érable. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'affaires que je connaissais pas. Alors, voilà, j'ai fait une compilation aujourd'hui spéciale Printemps érable. Vous êtes à Sequoia 88.3 et vous êtes en compagnie de François Gécouillard. Ferme la fenêtre et la foule s'en va. S'en va par la ville en répétant « Ça y est, nous l'avons vu, nous l'avons touché du regard. » Un peu plus tard, assis sur ses fesses dans son carrosse de nougat doré, le grand taulier du Vatican fait le tour de son quartier réservé. Et puis il rentre au Vatican où, fier lui aussi comme un pape, son vieux papa l'attend. Effusion familiale, grandes eaux lacrymales. Le père a une tête de vieux paysan. Il fume la pipe, il est simple. Hélas, hélas, la pipe au papa du pape pue. Ah, il est bête, le pape. Il est gratiné, le pape. Et il se vautre, il plaisante salement. L'index sacré. Sais-tu où on le met, l'index? Dans la rue de l'Échaudé, c'en est trop. L'autre affreux vieillard, c'est le pape, il faut appeler les choses par leur nom. Un chien, c'est un chien, un tournesol, c'est un tournesol. Une petite fille qui joue au cerceau dans une allée du Luxembourg, c'est une petite fille qui joue au cerceau dans une allée du Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un jardin, une fleur, c'est une fleur. Mais un pape, qu'est-ce que c'est? Un affreux vieillard. Tu diras, tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. L'intuition d'un sentiment qui ne revient trop peu. Tu diras, tu diras que tout est sans piocher, tu m'aimes beau, ta main mélin poussée par une force étrange. Ce sera ton camp de boss. Ce sera ton camp de boss. Tu diras, tu diras que c'est l'instinct qui t'a jusqu'ici. L'imprudence comme elle se doit de temps en temps ce sera ton gain de pause. Si vous en avez ras-le-bol, tapez sur vos casseroles. Et si vous en avez marre, c'est l'heure du tintamarre. Nous ne sommes pas des casseurs, on fait juste un cri du cœur. Répondez à l'appel, sortez avec votre vaisselle. Yeah. Mmh. Amis, mes boosters, tout ton amour, sors ta passoire, râpe au fromage, c'est tout la rage. Toi, la biscuit, oui, mon ami, mmh, le chili était bon ce soir. Oh, mais j'aime plus le son qui vient de ces casseroles. Si vous en avez ras-le-bol, tapez sur vos casseroles, baby. Mm-hmm. Et si vous en avez marre, c'est l'heure du tintamarre. Oh, nous ne sommes pas des casseurs, on fait juste un cri du cœur. Répondez à l'appel, sortez avec votre vaisselle. Thank you, Mom. Et oui, toujours au Cirque Aquatique Magique. Et on vient d'entendre trois pièces de du printemps étudiant, hein, ce qu'on a appelé le printemps érable. On a entendu Damien Robitaille qui faisait la chanson Casserole et Indochine, une chanson que j'ai découvert récemment qui s'appelle Le fond de l'air est rouge. Ben oui, Indochine a décidé de faire une chanson sur le printemps érable. Et Jérémy Battaglia faisait une chanson qui s'intitule Casserole, Pots and Pans, Montréal, 24 mai 2012. C'est tout un autre tonne, ça, messieurs, dames. Et on a commencé le bloc avec un poème de Jacques Prévert, interprété par Serge Reggiani. Est-ce que vous connaissez Serge Reggiani, mes amis? À peine. C'est trop vieux pour vous, ça. Ouais. Apparemment qu'il a repris des poèmes de Prévert, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Il y a apparemment qu'il y a un disque qui aurait interprété des poèmes de Prévert, mais... juste un extrait. ça doit se trouver quelque part. Oui, sûrement. Faut chercher. Vous avez quel âge, vous, là, si vous connaissez pas Reggiani, là? Moi, j'ai 20 ans. Oh, et toi, Olivier? 19. Donc, ouais. Isabeau et Olivier, qui sont là avec moi aujourd'hui. Je suis en train de leur montrer comment fonctionne la console et la magie de ces CKIA. Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour maîtriser la console magique? Ah ben, il faut, hein. C'est la relève. Non, mais ça devrait, là. La relève s'en vient parce qu'ils vont me remplacer, messieurs, dames. Ils vont me remplacer dans les prochaines semaines. Ben, peut-être, s'ils le veulent. Et si Dieu le veut. Super, ben merci d'être là, les gars. De rien, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez participé au printemps érable? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce temps-là? Ben, on était tous les deux au cégep, en fait, à Garneau. Le cégep n'a pas été en grève, ce qui veut pas dire qu'on n'a pas milité pour autant. Même qu'à la limite, ça a été un petit peu plus dur parce qu'il fallait aller à des cours puis passer la session. Beaucoup de manifestations, surtout à Montréal. Il y en a eu à Québec aussi. Ça a été des manifs de soir, ça a été des petites élections par-ci par-là. Pour moi, ça a été une valse avec notre système judiciaire. Oui, à Québec, c'est la police. Hein? La police a été très présente. Ouais. Oui. Impressionnant. Motivé. C'est-tu plus fun à Montréal ou à Québec, les manifs? C'est complètement une dynamique différente. À Montréal, les policiers frappaient. À Québec, ils arrêtaient. Moi, j'ai vu frapper à Québec, par contre. Un tout petit peu, c'est mais... C'est sûr, c'était moins important, mais ça frappait aussi à Québec. OK. Ouais. Si ça te dérange moins d'avoir des bleus qu'avoir un ticket à Montréal, c'était peut-être plus la place où est-ce qu'on pouvait courir et s'amuser un peu. Alors que Québec, souvent, on se faisait coincer, se faire arrêter en groupe... Ouais, c'est ça, c'était la tactique. C'est qu'il y a, à Québec, c'était la tactique de la police, c'était d'arrêter tout le monde pour casser le mouvement. Puis, c'est la souricière. Je pense qu'ils ont plus ou moins réussi, dans le sens que c'était, dans le fond, l'idée, c'était de motiver les gens puis de casser leur morale, mais ça a continué quand même, finalement. C'était un beau terreau fertile pour développer une pensée anarchiste chez beaucoup d'étudiants, en fait, la répression. Je pense à la radicaliser des gens, ça c'est clair. Ah, c'est ça. Ah oui. Ben justement, parlons de répression policière, parlons de la loi 78. Il y a eu plusieurs pièces qui ont été faites là-dessus. Mm-hmm. Notamment la pièce de Box Vocal, un groupe de Montréal, il a fait une pièce qui s'appelle Loi spéciale. C'est un jeu de mots, hein? L'OIE. Ah oui. Vous la connaissez? Je connais Loi spéciale, je connais pas la chanson en particulier, là, mais le petit dessin d'oie avec des picots qui se demandent pourquoi tout le monde parle d'elle. Exactement. Alors, on va écouter ça. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique et on continue. Spécial grève étudiante. Qui s'énerve quand le monde fait sur des casseroles? Qui sait qui éteint son barbecue avec un peu de pétrole? Qui sait qui a pas d'amis sauf à l'Assemblée nationale? Qui sait qui fait tellement d'agoraphobie que plus que 50, c'est illégal? C'est loi spéciale, c'est loi spéciale, c'est loi spéciale. Et pas rejet, et juste spécial. Hey! Qui c'est qui préserve notre précieuse paix sociale? Qui c'est qui défend l'accès aux études collégiales? Qui c'est qui a des valeurs en or, mais si t'es pas d'accord? Qui c'est qui te casse à coups d'amende? Qui c'est qui te tasse à coups dans le ventre? C'est loi spéciale, c'est loi spéciale, c'est loi spéciale. Elle est pas violente, elle est juste spéciale. Oui. Mais loi spéciale. Cap, cap, cararap. On s'en calisse. Cap, cap, cararap. Oui, loi spéciale. Cap, cap, cararap. On s'en calisse. Cap, cap, cararap. And don't look away. Montreal streets paved with pepper spray. Shared just wanted to say everybody's got a price to pay. 78 78 78 78. People get connected, people get made. They gotta be paid. You know when there's corruption at the top, who at the bottom will stay. 78 78 78 78. Take a listen to what we say. Systems and government in decay. You gotta move your feet if you want things to change. 78 78 78 78. L'injustice, un devise commun. Yeah. passant this way. So, so, sortant cancero ben avec nous dans la rue con la loi 68. Llamado a la comunidad internacional es que tengo un problema aquí en Montreal y a Punta Garrote me quieren callar y quitarme el derecho de manifestar. Por eso es que quiero gritar en contra de la represión gubernamental y la ley 78 que me quiere callar. Sor, sor, sorta casero, ven a ver dan la rue con la loi 60 después. Oye, que sale, sale pa' la calle. Saca tu cacerola y vete a protestar. Que la ley 78 te quiere censurar. La ley 78 el miedo te quiere implantar. Mi cacerola es mi voz. Mi cacerola es mi grito de libertad. Ahí vete pa' la calle. Únete a nosotros que con solidaridad juntos lo vamos a lograr. Sor, sor, sorta cacero. Ven a ver tú dan la rue con la loi 60 después. Sor, sor, sorta cacero. Ven a ver tú dan la rue con la loi 60 después. Oye, que sale, sale pa' la calle. Saca tu cacerola y vete a protestar. Que la ley 78 te quiere censurar. La ley 78 el miedo te quiere implantar. Mi cacerola es mi voz. Mi cacerola es mi grito de libertad. Ahí vete pa' la calle. Únete a nosotros que con solidaridad juntos lo vamos a lograr. Sor, sor, sorta casero. Ven a ver que nos dan la rue con la loi 60 después. Sorta casero, ven a ver que nos dan la rue con la loi 60 después. Sor, sor, sorta casero, ven a ver que nos dan la rue con la loi 60 después. Sor, sor, sorta casero, ven a ver que nos dan la rue con la loi 60 después. Je m'oppose à cette loi spéciale. que les propos de Jean Charest passent très mal auprès des étudiants qui manifestent encore ce soir. Monsieur Charest, j'ai honte aujourd'hui d'être québécois à cause de vous. Faites-vous confiance ou pas aux élus du peuple québécois? La réponse a été non. La situation actuelle a duré trop longtemps. Alors, toujours au Cirque Aquatique Magique. On vient d'entendre, toujours dans le thème grève étudiante, on a entendu un bloc consacré à la loi 78, ce qu'on a appelé aussi la loi Matraque, la loi... C'est quoi les noms qu'elle a été qualifiée, la loi 78? Loi spéciale. Projet de loi 12. Ouais, loi 12 après, mais... Sinon... C'était loi 12 après? Oui. OK. La loi 12, c'est... La 78, c'est le nom du projet de loi. C'est ça. Ah bon. Donc, tout le monde a fait des chansons sur le projet de loi plutôt que sur la loi elle-même. En tout cas, ils l'ont renommé dans le coin des élections. Là, il était OK. C'est ça que le choc, c'était au moment du projet de loi. Mm-hmm. C'est pour ça. Voilà. Et c'est là que les meilleures chansons sont sorties. On a entendu Ariane Moffat qui faisait... Dans le fond, elle a repris une de ses vieilles pièce pour changer les paroles. Ah, c'est vrai? La pièce s'intitule 17 mai 2012. Ben, c'est ça, c'est quand tu veux pas trop mettre d'efforts. Excuse-moi, Ariane. Ben, c'est pour rester dans l'actualité. Ben oui. Faire ça vite. C'est vrai. Ça. Absolument. Ouais. Quoi qu'il y en a qui le font aussi, qui font des chansons à brûle pour point. Comme justement, il y a le groupe Free la Matraque, avec un K, qui faisait la pièce Sors ta casserole, ou aussi appelée Sacate ou casserola. Et Paul Cagnello faisait 78, donc Paul Cagnello, un gars bien de chez nous, hein, de Québec. Il n'y a pas juste Montréal qui fait de la musique, il y a aussi Québec. Ouais. On a fait même de la musique de droite. Est-ce que vous connaissez la chanson sur Gabriel Nadeau-Dubois qui s'appelle Par pas de classe? Je pense non. Que j'ai entendu. Ouais. Ça se trouve sur YouTube, cette histoire-là. Oui, et ouais. Si on a le temps, on va la faire jouer tantôt. Donc, rock de droite. Oui, c'est possible, mais dites-vous que sur... 20 tonnes de gauche et une tonne de droite. Donc, on a un bon score. Est-ce que vous écoutez des fois du rock de droite? C'est rare. c'est assez rare, oui. Tantôt, on parlait de Radio Poubelle. Vous n'êtes pas adepte? Non. Non, c'est un combat. Ouais. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat. Alors, parlant de poubelle et de droite... Il y a une grande vedette du conflit étudiant qui s'appelle Patricule 728. Oui. Actuellement, elle est comme dans des déboires épouvantables. Elle s'est faite, dans le fond, larguer par tout le milieu policier. Ils l'ont sacrifié, ils l'ont crucifié sur l'hôtel médiatique. Et la dame 728, il y a eu des chansons sur elle et on va en écouter trois. On commence avec un groupe qui s'appelle Fille Lou. Et la pièce s'intitule 728. Vous allez voir, c'est assez cru. Montez le son. À une agente de la paix, pardonnez-moi ce témoignage sera émotif, je le sais. Quand je parle d'hommage, c'est un euphémisme, mais ces mots ne sont qu'une image de ce que je t'offrirais. Stéphanie Trudeau, je te crèverais les yeux, je t'arracherais la peau pour m'en faire un manteau qui serait même pas beau. Stéphanie Trudeau, je t'arracherai la langue pour plus jamais entendre tes bêtises méchantes pis ta fierté déprimante. Je veux bien croire que t'es dans la police pis que t'es pas payé pour penser. Une hostie de chance, calice, parce que tu serais vraiment cassé. Mais t'as quand même choisi d'être flic pis de fâcher le monde pis d'aimer ça. Étonne-toi pas qu'on te lance des briques, tu nous haïs pis vice-versa. Stéphanie Trudeau, je te crèverai les yeux, je t'arracherai la peau pour m'en faire un manteau qui serait même pas beau. Stéphanie Trudeau, je t'arracherai la langue pour plus jamais entendre tes bêtises méchantes pis ta fierté déprimante. Sûrement que t'es super bonne, mais y'a un petit quelque chose de malsain. C'est pas normal d'avoir du fun en faisant mal à des humains. C'est-tu la faute à tes parents? C'est-tu à cause de la société? Ton boss va dire que c'est navrant, mais au fond de lui, il est fier de toi. Stéphanie Trudeau, je te crèverai les yeux, je t'arracherai la peau. Stéphanie Trudeau, Stéphanie Trudeau, Stéphanie Trudeau, Stéphanie Trudeau. Matricule 728, j'espère que tu cours vite, parce qu'il n'y a plus rien pour te sauver, pis crois-moi qu'on va te retrouver. Je pense qu'il est temps que tu comprennes que ton esti de poivre de Cayenne, tes menottes pis ta matraque pis tes gros mots de tabarnak, ton respect pour personne, toute la violence de ton gun, y'a plus rien pour nous arrêter, tu ferais quasiment mieux de te tuer. Donc là, on va l'essayer l'intimidation, là, on va voir si ça va passer. 7-2-8, crise de grosse vache. C'est tout filmé, ah! C'est tout filmé, ah! C'est tout filmé, ah! C'est tout filmé, ah! Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé, ah! C'est tout filmé, ah! Faut faire ça legit parce qu'on est filmé pis c'est des artistes là. Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé, ah! C'est tout filmé, ah! Des artistes, en tout cas des mangeurs de marde. Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé, ah! Si tu continues, je vais te faire un encolure jusqu'à temps que tu tombes inconscient. Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé, ah! C'est tout filmé, ah! C'est tout filmé, ah! Gratuit du temps, c'est tout des assistants rouges là. Des artistes, en tout cas des mangeurs de marde. Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé, ah! C'est tout filmé, ah! Y'a un autre esticone qui a pas rapport, platonienne du nowhere, qui est là, qui filme, pis qu'est-ce que tu continues, je vais te faire dans le colis jusqu'à temps que tu tombes inconscient. En train d'étouffer, là, je me bats avec des escaliers, on se bat avec des escaliers. C'est toi, ça, c'est de lutte, t'as si grosse barre. Des artistes, ça, c'est de, en tout cas, des mangeurs de marde. Y'a tout qui danse, tous les esticones et rouges. C'est pour une bière, tu sais. C'est tout filmé, c'est tout filmé. 7-2-8, 3-7-11-7-2-8, 3-7-11-7-2-8, 3-7-11-7-2-8. Dernier, une magnifique personne vivant sur la terre, une force de la nature, dans le cadre de son travail pour la SPVM de Montréal, a fait une intervention sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Dans la résidence d'un artiste. Tout de suite, je l'ai reconnu. Cette beauté, cette force de la nature, je l'avais déjà vue dans une vidéo, lors d'une intervention, lors du conflit étudiant. Et tout de suite, je suis follement tombé amoureux de l'agente 728. Je suis un corps rouge, un artiste, un rat, un fou. Je suis un gratuit guide pour toi, l'agent de 728. Toi, tu es un modèle, une femme qui vise la réussite. Pour moi, le criminel, tu es inatteignable, agent de 728. Je t'aime avec ton gun, car tu as même créé un mythe autour de ta personne. Ah oui, je t'aime, agent de 728. Oui, je t'aime. à ton haleine de sang et de poivre de Cayenne. Je t'aime, je t'aime. Viens me serrer dans tes bras, viens m'étrangler tout contre toi. Dans mon beau local subventionné par l'État. En boucle, j'en ai même fait une toune. C'est un hit. Demain je serai une vedette Facebook comme toi, agent de 728. Mais y'a pas de fille qui brasse et puis qui rentre là où j'habite pour faire régner l'ordre et la casse. Sauf toi, agent de 728. Oui, mais je et de poivre de Cayenne. Oh oui, je t'aime, je t'aime. Viens me serrer dans tes bras, viens me m'étrangler tout contre toi. Dans mon beau grand local subventionné par l'État. Ça fait toujours mal quand tu nous quittes. On a des plaies à penser quand tu pars, agent 728. Je t'aime. Alors, bonjour, bonjour. On dit au revoir à l'agent 728. Et on est de retour en onde. Oh, ça fonctionne super bien. Oui, ça va, ça va. Oui. Ouais. J'apprivoise la console, j'apprivoise la console. Elle semble pas me repousser encore, ça va bien. Oui, bravo. 728, oui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ouf, ben maintenant, bouc émissaire, hein, on en a parlé un petit peu tantôt, ça évoque le fait que quand un policier dérape complètement, ben il n'y a rien pour l'empêcher de le faire, puis que ben on peut pas appeler la police dans ce temps-là. Hein, exactement. C'est la police qui a un gun, puis qui crie après le monde. Pis d'ailleurs, as-tu remarqué qu'elle s'est faite... dans le fond, retirée de son travail à partir du moment qu'elle a menacé une police, pas à ouais. cause de ce qu'elle a fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pour ce genre de choses-là, j'ai vraiment une tendance conspirationniste profonde, puis moi, je trouve que ça sonne le bouc émissaire à fond la ouais. caisse. Là. En accusant 728, on lève un petit peu le doute sur l'ensemble du SPVM ou de la police de Québec ou même de la SQ. On s'est trouvé quelqu'un à Châtier, puis tous les autres vont s'en aller à la maison contents et joyeux. Non, c'est ça. Il y a eu des actions policières de groupe qui étaient condamnables, mais dont on n'a pas entendu parler plus que... Je pense qu'en stand manif pendant la grève, j'ai vu 3 matricules sur un casque de policier, alors que c'est complètement obligatoire de l'afficher. Toutes sortes d'histoires abracadabrantes avec ces... Oh oui, absolument. C'est illégal pour les policiers de cacher leur matricule. Ils l'ont fait à maintes reprises. Là. Ouais. Ils ne s'en sont pas gênés. Alors, on continue en musique? Oui. On est toujours dans le thème de la grève étudiante. Oui, le prochain bloc risque d'être fort intéressant. Ben oui, c'est ce spécial Charest. Ben, on pourrait dire Parti libéral parce qu'il y a une chanson sur Lynn Beauchamp, mais tu sais, on a vu, dans le fond, dans les chansons sur la grève étudiante, c'est intéressant. Il y a des gens qui se sont vraiment comme acharnés sur Jean Charest, comme si c'était la grève étudiante, c'était Jean Charest. Oui. Puis il y a plusieurs chansons d'ailleurs qui le montrent. T'sais, clairement, c'est Jean Charest le méchant. Ben, c'était un peu le chef d'orchestre. Effectivement. De toute la chose. Sauf que là, on se rend compte que actuellement c'est Pauline Marois, puis on se dirige vers la semaine d'éducation, puis là, ce qui risque d'arriver, ça va être une hausse des frais de scolarité anyway. Fait que tu sais, on voit que... En tout cas... Au Cégep, aujourd'hui, on a eu une assemblée générale qui portait justement sur un positionnement par rapport au semestre sur l'éducation, puis... Ouais, voilà. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce qu'il y a des gens, des jeunes de droite qui se sont exprimés? Ah, oui, on a fini par prendre une position contre le sommet. Dans le fond, à Garneau, on fait partie de l'AC, et puis... vous êtes affilié à l'AC maintenant? Oui, depuis la grève. Puis on a pris une position pour boycotter le sommet, en fait, qui va être débattu en congrès en fin de semaine, je crois. Oui. Et puis, c'est ça, ça a été compliqué, des grosses libérations, là. Donc, c'est pas clair et précis pour tout le monde qui sont pas nécessairement informés ou qui suivent pas l'actualité que ce sommet-là, en fait, c'est une immense farce, puis que on nous présente un débat de fond sur l'éducation, puis il y a pas de débat, puis il y a pas d'éducation. Bon. Mais c'est ça, mais même au sein de la gauche, les gens sont divisés parce que on a toujours l'argument de l'opinion publique qui revient. Mais c'est pas en allant au sommet qu'on va aller chercher l'opinion publique. On va juste se faire avoir comme d'habitude. Exactement. Donc, finalement, est-ce que vous avez débrayé pendant la grève? J'imagine que le cégep ne va pas... Non, on n'aura même pas de vote de grève. On était censé aborder le vote d'une levée de cours, mais ça a été bloqué. Ouais. Ah ouais, OK. Ouais. Il faut spécifier évidemment qu'il y a un groupe de technique policière à Garneau, donc ça explique beaucoup de choses. Ben, Garneau, comme beaucoup de cégeps de Québec, est plus à droite, beaucoup, si ce n'est pas apolitique. Ouais. Donc, on passe à la musique sur notre ami Charret. Et d'ailleurs, j'ai très hâte d'entendre Hostie de Frisée de Shy Shit, Dark Shit of Death, Unexpect, qui a l'air, ma foi, savoureuse. On va là-dessus. Bonjour, vous êtes encore en direct de ce push radiophonique juste pour vous. On vient d'écouter des chansons sur Jean Charest. On a entendu Hostie de frisée de Shy Shit, Dark Shit of Death et Unexpect. On a commencé avec Géraldine et les Navets Confits dans un coffre de Charest. Et on a fini avec Urbain Desbois, Madame Beauchamp. Oui, bon, c'est ça, c'est pas problème. Comme ça va bien? Est-ce qu'on vous entend? Oui, voilà. Allô. petite maladresse, écoutons. Non. On peut pas pouvoir sans se péter la gueule de temps en temps. Bonjour. Oui. Ah voilà. Voilà. C'est le géant. Donc, Charret dans un coffre de charret dans un coffre de charret. Oui. C'est un classique. C'est un concept. Oui, c'est de la grande poésie. Je pense que oui. Oui, tout à fait. Votre opinion, vous, sur la destitution publique de Jean Charret, sa mort aux élections, est-ce que pour vous, c'est un pas en avant? Ben, c'est sûr que c'est. Il a fait beaucoup de tort au Québec, selon moi. Mais il a pas été sa destitution n'a pas été si violente que ça. Moi, j'ai des amis avec des opinions plus de droite qui ont fait des plaidoyers pour Charest pour dire qu'il y avait beaucoup fait pour le public, pour le Québec, puis que c'était triste qu'il soit aussi maltraité. Il était aimé. Ouais, c'est d'une manière troublante parce que les gens l'aimaient parce que il était là. Parce que j'ai jamais eu d'argument en sa faveur. J'en ai jamais entendu. Ils sont tout pètes. Sûr que sa permanente est géniale. Mais c'est pas une qualité de politique. Non, mais c'est un bon communicateur, on s'entend. Là. Bon, il a utilisé un petit peu ses talents pour nous en foutre une, mais bon, en dehors de ça, je veux dire, il est très habile pour détourner les questions, pour indiquer qu'est-ce qu'il ne faut pas demander, qu'est-ce qu'il ne faut pas poser comme question. Grosso modo, un grand homme politique. Oui, habile. Oui, habile. Ouais. Il y a une forme de génie derrière ça. On se dirige vers la fin de l'émission. C'est Aquatique Magique. Et puis, moi, je vais aller en vacances. Donc, ces deux jeunes hommes vont me remplacer. Olivier et Isabeau vont avoir l'honneur de le faire. Oui, ça va être très différent. Hein? Ouais, c'est ça. On risque d'arriver avec du nouveau stock. Là. On va préparer ça pour la semaine prochaine. Attendez-vous à être surpris. Je pense qu'il y a. Ouais, voilà. Ça va être intéressant. On va surveiller ça. Et on va se quitter avec une dernière pièce. Oui, Garde ta main sur la brique de Gabrois. Je vous annonce en primeur qu'il y a à peu près 99% de chances qu'il soit au cabaret du 1er mai à Québec. Ah oui? Oui. Génial. On l'aime bien, ce gentil douchebag qui est Gabrois. Gabrois, puis il est un peu controversé. Hein? Disons que c'est pas tout le monde qui l'aime, en tout cas. On va l'écouter, puis on en jasera. Une armée de terroristes, armée de pancartes, armée de casseroles, pour lutter un roll-ball, un printemps s'éternisant, les bourgeons d'un mouvement, ce soir on manifeste, pour la 42e fois, on est conclu depuis un bout, et les ouais ça change quoi, on nous écoute pas, fuck off, on se calisse de nous, va qu'on calisse de briques, sur ta calisse de joues, garde ta main sur la brique, quand tu vois un flic. Juste au corps, on sait pas, même si tu es pacifique. Garde ta main sur une roche, quand tu vois un coche. Juste au corps, on sait pas, si il pète une coche. Bienvenue au Canada, feu et fort. Pacifique, demande la ville à nous et bon. Garde ta main sur la brique, quand le peuple se soulève. Le sol, lui, vibre. Heureusement que les briques sont toujours en vente libre. Votre numéro de matricule, madame? 728. Combien? 728. 728. On va s'en rappeler, madame. Vous allez passer à YouTube ce soir. Tu comptes visiter Montréal, fait d'été. Assure-toi que dans ton sac, t'as rien oublié. Une bouteille d'eau que tu verseras sur tes fesses. Sur tes yeux, tu verseras par le poids et le Cayenne. Pas de cruel, des mortiers, parce qu'une chose est sûre. C'est pas juste une autre brique dans un crisp de mur. J'ai pas besoin d'éducation, puis je garde ma main sur la brique. Je suis victime, défense contre la police politique. Le scum en noir qui donne des coups à la tête. C'est des sous-hommes trop d'hommes pour travailler ses enquêtes. Pas qui frappe, mais la riposte, la foule sera brutale. Genre la SPCA, plus hauté animal. FPVM, aux années d'effort de relation. Puis je les viens d'être frappé en 4 mois d'intervention véridique. La population va se rappeler, je vois que l'incompétence craque. La communauté mondiale vous remet déjà à votre place. C'est quoi le bon sens? Je refuse que tu fouilles mon sang. Moi, le fier pareil. Bon, bitch, please, garde ta main sur la brèche. J'suis dans une cellule de porte où dans un motel caché avec des couteaux déguisés. Allons faire un secours. On plie, je me casse dans un pot. Je me couvre de yogourt. Je mange ton corps comme je te le dis. J'ai les coups de pied comme je t'ai pas dit. J'entendrai mon ami. J'ai mort les dans ton manoir.